Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans le cours de l'histoire. Dans le dictionnaire, le mot suprémacisme, qui s'écrit avec un C, n'apparaît pas. C'est un néologisme que nous empruntons à la langue anglaise et nous comprenons facilement ce mot car il fait écho à un autre mot qui lui est bien français, suprématie, mais qui s'écrit avec un T, la supériorité de puissance. Le suprémacisme qualifie une idéologie, celle qui considère qu'une catégorie de personnes est supérieure aux autres. Jusque-là, c'est du racisme. Mais que cette catégorie de personnes peut asservir les autres. Bien souvent, la couleur de la peau est une obsession pour les suprématistes. Dans le dictionnaire, en revanche, nous trouvons un autre mot qui s'appelle, lui, suprématisme avec un T. Il s'agit de cette forme d'art issue du cubisme qui n'use que d'éléments géométriques, mais dont la définition que nous donne le Trésor de la langue française, le dictionnaire du CNRS et de l'Université de Lorraine, nous précise qu'il met en avant les contrastes de couleurs. Suprémacisme avec un C, suprématisme avec un T sont tous les deux très attentifs aux couleurs, mais l'un produit de la haine et l'autre produit de l'art. Cette semaine dans le cours de l'histoire, au-delà des droits civiques, les interminables combats pour l'égalité aux États-Unis. Nous allons parler des pans oubliés de l'héritage de Martin Luther King, des corps et du sport dans la lutte des Noirs américains, et puis les émeutes de 1992 à Los Angeles. Des émissions à retrouver sur le site franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Et puis vous pouvez nous rejoindre sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Et aujourd'hui nous allons parler du suprémacisme aux États-Unis et de sa récupération politique. Suprémacisme, Françoise Coste, bonjour. Bonjour. Mais quel est ce mot, en fait, complexe, qui est apparu dans notre langue il n'y a pas si longtemps ? Alors, la réalité que ce mot décrit, elle existe depuis 4 siècles aux États-Unis, en réalité. 4 siècles depuis l'arrivée des premiers esclaves, en 1619, en Virginie. Et le mot lui-même, il a pris vraiment son ampleur dans les années 1950-1960. Aux États-Unis, dans le Sud, quand les États du Sud ont très très fortement tenté de résister aux politiques fédérales mettant fin à la ségrégation, sous l'impulsion bien entendu du mouvement des droits civiques. Et l'apex de tout ça, ça a été l'adoption en 1964 du Civil Rights Act, la loi sur les droits civiques, droits civils en français, qui a aboli la ségrégation dans le Sud. Et l'année suivante, en 1965, le Voting Rights Act, la loi sur le droit de vote, qui a donné le droit de vote aux citoyens noirs dans les États du Sud. Voilà, c'est ça la grande charnière. Et le mouvement d'opposition, c'est ça. Il s'est autoproclamé et ensuite c'est rentré dans l'histoire, le mouvement pour la suprématie blanche. Françoise Coste, vous êtes professeure à l'Université Toulouse Jean Jaurès. Vous êtes l'auteur de La présidence des États-Unis de Franklin Roosevelt à George Bush, George W. Bush. Donc vous avez mis les dates sur la couverture, c'est très bien. 1933 à 2006, c'est aux éditions du Temps et plus récemment de Reagan, publié aux éditions Perrin. Françoise Coste, aujourd'hui, dans l'actualité, il y a sans cesse ces questions de retour de la ségrégation, de cette mémoire de la ségrégation, des inégalités. Le regard de l'historienne est essentiel. L'actualité de ce qui se passe aux États-Unis et qui a des échos chez nous en Europe nécessite un regard sur la longue durée. Oui, parce qu'en fait, tout ce qui se passe aux États-Unis a, tôt ou tard, je pense du plan politique, mais aussi du plan culturel ou social, même économique. Donc tout ce qui se passe aux États-Unis a tôt ou tard un rapport avec l'héritage de l'esclavage, avec la division de la population entre blancs et noirs. Je crois qu'il y a eu quand même un grand espoir en 2008, avec l'élection de Barack Obama, qu'une page était tournée. Et là, on se rend compte qu'on s'est tous collectivement trompés. Et c'est pas juste que la page n'a pas été tournée, c'est qu'on a l'impression de revenir en arrière. Et ça, c'est assez désespérant et ça confirme que l'Amérique est engluée dans sa problématique raciale. Oui, engluée est vraiment le mot. La problématique raciale aux États-Unis doit se comprendre par la structure même du pays. Et c'est en ça que les États-Unis sont presque un cas particulier. C'est dans la nature, dans les origines même du pays, en fait, que l'on trouve peut-être pas les réponses, mais en tout cas, tous les éléments du problème actuel. Oui. Les États-Unis ne sont pas uniques dans le fait qu'ils aient pratiqué l'esclavage. Ça, c'est sûr. Toutes les puissances européennes ont été esclavagistes. Dans les Amériques, il y a eu aussi de grands États esclavagistes, comme le Brésil, par exemple. Mais l'esclavage américain, aux États-Unis, il a quand même des particularités. Les États-Unis ont eu moins d'esclaves quantitativement que le Brésil, par exemple. Bon. Mais les États-Unis ont été le seul grand pays esclavagiste qui a eu besoin d'une guerre. La guerre de sécession en français, la guerre civile en anglais. C'est le seul grand pays qui a eu besoin d'une guerre pour abolir l'esclavage. Et parce qu'il y a eu cette guerre, c'est aussi le seul grand pays esclavagiste qui n'a pas dédommagé financièrement les planteurs et les esclavagistes. Donc ça fait beaucoup de blessures. Il y a eu la blessure de la violence folle de la guerre de sécession, qui est complètement oubliée en France, hein, ce qui a l'air folklorique, mais qui aux États-Unis reste un traumatisme. Il y a eu plus de morts pendant la guerre de sécession aux États-Unis, 700 000, que dans toutes les autres guerres auxquelles les États-Unis ont participé, combinées dans leur histoire. De loin, de loin. Donc il y a ça, il y a eu ce souvenir de la guerre, et ensuite il y a eu la haine, la rancune, jusqu'à aujourd'hui en fait, de toute cette partie de la population blanche. Il y avait 4 millions d'esclaves au moment de l'abolition. C'est en dollars d'aujourd'hui des milliards et des milliards de milliards de dollars qui ont perdu. Donc il y a eu aussi ce désir de revanche, qui n'est pas nécessairement exprimé en ces termes aujourd'hui. Vous n'allez pas avoir des arrière-arrière-petits-enfants de planteurs qui vont dire « I want my money back, je veux de l'argent ». Mais voilà, ça a été un... économiquement dans le Sud, là aussi en traumatisme. Et puis, surtout, cette abolition, elle a été ratée. Elle a été ratée sur le plan politique, parce que, bien sûr, l'esclavage a été aboli. Mais pratiquement immédiatement dans le Sud, il a été remplacé par la ségrégation. Alors certes, il faut pas dire que c'est la même chose, mais c'est un système aussi très très problématique et ultra violent et ultra raciste, bien entendu. Si l'on évoque justement la manière dont s'est faite l'abolition de l'esclavage, on peut comparer avec le cas français. En France, c'est 1848 avec Victor Schœlcher qui est critiqué notamment parce qu'il propose ce qui a été fait d'indemniser les propriétaires d'esclaves, les grands planteurs des îles qui sont toujours aujourd'hui sur le territoire français. Vous, Françoise Coste, vous voyez ici un élément de différenciation entre la manière de procéder de la France et d'autres pays et ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est-à-dire que donc cette rancœur d'origine se retrouve encore, mais comment cette rancœur économique passe à une rancœur, on va dire, raciale, une haine contre les Noirs? Alors ça, beaucoup d'historiens américains ont travaillé là-dessus pour comprendre la construction de l'esclavage et du racisme. Ça va ensemble. C'est-à-dire que l'esclavage, ça a toujours existé dans l'histoire humaine. La particularité de l'esclavage dans les Amériques, Nord et Sud, c'est bien entendu sa dimension raciale. Quand les premiers esclaves sont arrivés, donc en 1619, on a fêté les 400 ans l'année dernière, en Virginie, les autorités britanniques de la colonie à l'époque de Virginie n'avaient pas nécessairement prévu qu'un système esclavagiste serait instauré dans les colonies. C'était pas du tout dans le business plan de la colonie, quoi. C'est arrivé un peu par hasard. C'est un bateau négrier hollandais, je crois, qui vendait des esclaves dans la Caraïbe, qui avait un surplus, et qui, avant de rentrer en Europe, s'est arrêté en Virginie. Et a dit aux planteurs locaux, qui plantaient du tabac à l'époque, que ça vous intéresserait quelques esclaves. Et les fermiers locaux, ils ont dit, pourquoi pas. Voilà. Donc c'est comme ça que ça a commencé. C'était vraiment accidentel, sur le terrain, bon, d'une manière non formalisée. Bon. Et au début, il y avait des esclaves blancs. Les populations natives indigènes ont aussi été réduites à l'esclavage. Donc il y avait des esclaves, au point de vue racial, je veux dire, assez diversifiés. Et très vite, on s'est focalisé sur les Africains. Et là, le système était tellement terrible et barbare que les maîtres et les autorités politiques se sont très vite rendus compte que c'était un système injustifiable. Voilà. Mais qu'il fallait justifier, puisqu'il fallait le pérenniser pour des raisons économiques. Et l'outil qu'on a inventé pour justifier l'injustifiable, surtout quand on se voulait chrétien et fervent adepte de la Bible, bon, avec tous les hommes qui sont faits à l'image de Dieu, donc c'était tellement, il y avait tellement une déconnexion dans les valeurs qu'on prenait et la réalité du terrain, qu'il a fallu justifier ça. Et la justification, c'est devenu la suprématie blanche. Alors, pas dans ces termes à l'époque, bien entendu, mais l'idée que ces Noirs, ces Africains, ils méritaient d'être esclaves, qu'il ne fallait pas culpabiliser parce qu'ils étaient inférieurs. Ce n'étaient pas vraiment des humains comme nous, les Blancs. Et ça, ça a été psychologiquement très fort parce que ça a acquis à la cause esclavagiste, et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve jusqu'à aujourd'hui, ça a acquis à la cause esclavagiste les petits Blancs, c'est-à-dire les Blancs qui n'étaient pas assez riches pour posséder des esclaves. Et c'est ça qu'il faut jamais perdre de vue dans l'histoire des États-Unis. L'esclavage était massif, mais en fait, il y avait très peu de propriétaires d'esclaves, parce que c'était très cher, un esclave. Très, très, très, très cher. Surtout un homme esclave en bonne santé. Nous, on a les clichés, autant d'emporte le vent, tout ça, la grande plantation, ça existait bien entendu, c'était moins de 1% des plantations en réalité. Donc l'esclavage était très rarement pratiqué dans des grandes fermes de grandes plantations. Il était surtout pratiqué à petite échelle dans des familles qui avaient un ou deux esclaves. De toute façon, même ça, c'était vraiment une minorité. L'immense majorité des blancs du Sud étaient des fermiers qui avaient un petit lopin de terre et qui n'étaient pas assez riches pour acheter des esclaves. Donc, on va les appeler les petits blancs, les hillbillies, les rednecks, comme vous voulez. Ces petits blancs pauvres ont toujours soutenu le système esclavagiste, alors qu'ils n'en bénéficiaient pas. Et ils ont plus que soutenu ce système. Ils ont été mourir pendant la guerre de sécession pour le défendre. Pour défendre des planteurs dont ils ne faisaient pas partie. Et ça, pourquoi on va mourir pour une cause qui ne nous concerne pas? C'est parce qu'on est persuadé que un jour, on a l'espoir qu'on deviendra esclavagiste soi-même, même si c'est une illusion, et surtout qu'on n'a pas besoin d'argent, on n'a pas besoin d'être riche, parce qu'on a notre peau blanche. Françoise Coste, je veux rebondir sur ce que vous dites, parce que cette idée qui s'impose pour dire les Noirs méritent d'être esclaves, parce qu'il faut bien justifier l'injustifiable, cette idée qui se propage jusqu'aux petits blancs, on la retrouve très tardivement. Je vous propose un extrait de l'émission 5 colonnes à la une. C'était le 5 octobre 1962, où une femme blanche du sud des États-Unis, elle s'appelle Camilla Brown, est interrogée sur la manière dont elle considère les Noirs. Mais maintenant, ce que les Noirs du Sud demandent justement, c'est de ne pas être assis à l'arrière des bus, c'est de pouvoir entrer dans les cafés, dans les restaurants. Est-ce que vous pensez que cela est juste? Peut-être que c'est juste, mais ce n'est pas convenable. Est-ce que vous pensez que les gens du Sud penseront un jour qu'un Noir égale un Blanc et qu'ils peuvent être égaux? Non, parce que... Je peux dire ce qu'a dit Dr. Schweitzer quand on lui a demandé quelle est votre opinion des nègres en Afrique. Vous savez, Dr. Schweitzer, il a donné sa vie pour les nègres d'Afrique, n'est-ce pas? Et il a dit, qu'est-ce que je pense des nègres? Je pense que le nègre est mon frère, mais il est mon frère 2000 years between us. Deux siècles entre nous. Un extrait de 5 colonnes à la une en 1962. Oui, il y a 2000 ans entre nous, c'est ce que dit une femme blanche du sud des États-Unis. Françoise Coste, cette idée, ce racisme primaire de différence est quelque chose de très répandu, à combattre évidemment sans cesse. Mais aux États-Unis, il y a cette spécificité de dire oui, les Noirs sont inférieurs à nous, et ils doivent être réduits en esclavage. C'est aussi quelque chose de très particulier dans cette forme de racisme poussée à l'extrême. Oui, parce que le racisme devient culturel. Il devient constitutif de la psychologie des populations. Voilà. C'est quelque chose qu'on apprend dans l'enfance, quelque chose qui est présent dans tous les moments de la vie. C'est quelque chose qu'on ne peut jamais oublier et qui est considéré, et donc voilà, c'est comme ça qu'on a une bonne conscience, comme positif, l'idée que l'esclavage est a positive good, c'était l'expression qu'on utilisait, un bien positif. C'est-à-dire qu'on fait ça pour les Noirs, pour les aider. Et pendant la ségrégation, c'est pareil, jusqu'aux années 60, la ségrégation, finalement, ça va aider les Noirs, parce que comme ils sont inférieurs, pense-t-on, ils ne peuvent pas, comme le dit la dame interviewée, vivre comme nous. Ils font besoin d'avoir un peu plus de temps pour rentrer dans la civilisation. Ben, ce temps, on le leur donne, très généreusement, par la ségrégation. On les pousse à former leurs propres institutions, puisqu'ils ne peuvent pas se mélanger avec les Blancs. Donc il va y avoir les églises noires, les écoles noires, les universités noires, les hôpitaux noirs. Et ils vont se former, cette petite, en théorie, hein, cette petite société parallèle, et ils vont petit à petit s'élever dans la civilisation. Et ce qui est incroyable, c'est que, bien entendu, tous les Blancs croient ça, mais il y a une grande part des élites noires, au début du XXe siècle, jusqu'au moment des droits civiques, qui sont acquises à cette interprétation de la réalité raciale des États-Unis, en disant « faut pas faire de vagues, soyons patients, on va y arriver, mais en même temps soyons irréprochables, on les montrera aux Blancs qu'on mérite finalement de nous aussi nous élever dans la vie et dans la vie économique des États-Unis ». Il va y avoir donc, y compris à l'intérieur de la communauté noire, des tensions par rapport à ça. Françoise Coste, la guerre de sécession dans les années 1860 aboutit à l'abolition de l'esclavage. Très bien. Mais les Blancs du Sud ont une haine contre ceux qui ont poussé à cette guerre, c'est-à-dire les Blancs du Nord. Comment les Noirs sont victimes eux aussi de la haine? Il y a quelque chose là qui est terrible en fait pour les Noirs qui bénéficient d'une forme de liberté très complexe parce qu'il y a la ségrégation, mais également de la haine. En fait, il y a cette volonté de se venger de cette guerre. Vous avez été libérés, mais vous allez le payer. Oui, et vous avez été libérés et vous nous avez tué nos fils, nos frères, nos pères. Puisque la guerre est un carnage, vous nous avez pris nos propriétés, notre terre, notre capital. Donc cette revanche, ça va être un déchaînement de violence. Donc violence politique, bien entendu, par la ségrégation. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait, il y a entre 1865 et 1870, dans les 5 ans qui suivent la guerre de sécession, il y a d'immenses progrès qui sont faits pour les Noirs. Bien entendu, il y a l'abolition de l'esclavage, mais aussi on leur donne le droit de vote partout dans le pays. Et on leur donne la citoyenneté américaine, qu'ils n'avaient pas jusque-là. Donc tout ça, on leur donne. Tout ça, c'est inscrit dans la Constitution. Mais ce qu'il y a, c'est que ce n'est pas appliqué. Donc le texte dit qu'il y a eu progrès fantastique, la réalité montre le contraire. Et comment on arrive à ça? C'est par la violence. Donc littéralement des pogroms contre les Noirs, dans des villes où les Noirs tentent de voter, ou d'élire un maire, un shérif, parfois même un membre du Congrès, c'est arrivé. Ça n'a pas duré longtemps, mais dans les années qui ont suivi la guerre de sécession, on a eu des exemples. Donc, on va massacrer littéralement, par exemple, le jour des élections, les Noirs qui sont dans les bureaux de vote. C'était des pogroms où on tue des dizaines, des centaines de personnes. On ne sait pas exactement combien, parce que c'est passé complètement sous silence à l'époque. Cette violence, elle s'exprime aussi par, bien entendu, ça c'est assez célèbre, la création du Ku Klux Klan, qui n'existait pas avant la guerre, hein, qui est créé par des anciens combattants confédérés donc, du Sud. Et le Ku Klux Klan pratique, pour utiliser des termes d'aujourd'hui, un terrorisme domestique contre la communauté noire. Et puis, politiquement, cette violence, c'est l'adoption donc de toutes ces lois de ségrégation qui nient les droits gagnés par la guerre et inscrits dans la Constitution, mais qui aboutissent à la fin du XIXe siècle à avoir tous les États du Sud qui pratiquent la ségrégation dans tous les domaines de la vie. Donc voilà, violence pure, violence physique et violence politique. Et bien entendu, violence économique, parce que ces esclaves libérés, l'espoir de l'État fédéral au moment de l'abolition, c'est qu'ils pourraient récupérer une partie des terres qui avaient été confisquées aux planteurs. Et bien entendu, cela ne se fait pas. Les grandes familles blanches gardent le monopole de la terre qu'elles vont louer aux anciens esclaves et à des prix tellement élevés que les anciens esclaves arrivent à peine à rembourser le loyer par la production de leurs lopins de terre. Donc on va en plus maintenir cette population, certes libérée, mais on va la maintenir dans un état de pauvreté extrême, qui va empêcher l'accumulation de capital, et donc, par conséquent, qui va empêcher le progrès social et économique de cette communauté, pendant quasiment un siècle, jusqu'au mouvement des droits civiques, et jusqu'aux grandes lois dont je parlais tout à l'heure, de 1964 et de 1965. Où là, quand même, plus la mise en place de mesures sociales fortes va aider économiquement, jusqu'à aujourd'hui, la communauté noire pour l'accès à l'emploi ou par exemple l'accès à la propriété ou l'accès aux universités, pour citer quelques exemples. L'économie est à la base du racisme, c'est ce que nous explique Angela Davis. Elle était au micro de Jacques Chancel, c'était le 9 mai 1977 dans l'émission Radioscopie. Quand je vais chez moi maintenant, il ne faut pas aller derrière dans le bus. C'est vrai que je peux aller dans un restaurant maintenant. Pendant que j'étais enfant, les Noirs n'avaient pas le droit de manger, d'aller aux toilettes, de boire de l'eau d'une fontaine, s'il n'y avait pas une affiche qui disait « Noir » là-dessus. C'était comme l'apartheid. Alors, à cause du mouvement mené par Martin Luther King, ça n'existe plus. Mais je trouve que la base du racisme, c'est l'économie. Et si on voit que la situation économique ne s'est pas améliorée, même pire maintenant, il y a plus de pauvreté parmi les Noirs, plus de chômage, plus de misère. Ça, c'est ça le racisme. Angela Davis, militante, qui se souvient de la ségrégation de Martin Luther King et qui évoque l'économie comme la base du racisme, Françoise Coste. Il y a quelque chose qui est difficile à saisir avec cette ségrégation, avec le suprémacisme. C'est que cela, en fait, transpire dans l'ensemble de la société. C'est à tous les moments de la vie. C'est en fait une idéologie, c'est global, j'allais dire totalitaire presque. C'est tout le temps, partout, la population noire le vit au quotidien, mais j'ai envie de dire la population blanche aussi, dans sa haine, en tout cas pour les suprémacistes. Ah oui, alors c'est une haine de tous les instants, et en fait, une haine qui, en réalité, est aussi destructrice pour les blancs. C'est ça le drame, c'est que, bien entendu, les victimes, toute cette histoire, c'est les noirs, bien entendu, mais les blancs ne se rendent pas compte que cela les blesse aussi. Alors, de deux façons, par exemple, économiquement, puisqu'on parle de l'économie, ce système rétrograde va pendant très très très longtemps emprisonner le sud des États-Unis dans la pauvreté, par rapport au nord en particulier, ou à l'ouest ensuite. Mais les États du sud des États-Unis, c'est de loin les États les plus pauvres, avec le plus haut taux de mortalité infantile, par exemple, ou l'espérance de vie la moins longue, jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Collectivement, cette culture du sud fait le choix du racisme, quitte à en faire payer le prix à toute la population. Et c'est aussi un prix psychologique, j'allais dire, parce que ce racisme exacerbé, on pourrait dire totalisant, voire totalitaire comme vous, en fait, ça va devenir aussi une névrose de tous les instants. Et détester tout le monde, tout le temps, c'est difficile. Et ça met des obstacles à qui peut être son ami, qui peut être son collègue, qui peut être son voisin, avec qui on peut tomber amoureux. Puisque jusque dans les années 60, dans ces États du Sud, un noir et une blanche, ou un blanc et une noire, n'ont pas le droit de se marier. Donc c'est un racisme qui va jusque dans l'intime. Le racisme jusque dans l'intime, et puis le racisme du quotidien, comme on le disait, qui crée pour les hommes et les femmes noirs une peur. La peur de traverser la rue, la peur de se faire agresser, la peur de se faire abattre par un policier. C'est ça aujourd'hui qui a vraiment fait qu'il y a des manifestations monstres. Cet aspect-là, en fait, dont nous parlons beaucoup avec les manifestations d'aujourd'hui, est quelque chose qui s'étend depuis la fin de l'esclavage, qui était déjà évidemment présent avant. En fait, c'est une continuité. Ça change peut-être de forme, mais c'est dans une continuité. Oui, la forme change, ça c'est sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus être ouvertement raciste, explicitement raciste, même si on l'est. Mais on a au moins compris qu'en bonne société, il est impoli d'exprimer des propos et des sentiments ouvertement racistes, ouvertement suprémacistes. Bon, mais dans les tripes du pays et dans ses institutions, ce racisme subsiste. Et surtout, vous avez raison, ce racisme, pour utiliser un terme aussi qu'on entend beaucoup aujourd'hui, c'est une charge mentale de tous les instants pour la population noire. Et à cause de cette peur, de cette terreur, on peut aller jusqu'au mot terreur. Terreur, donc, pendant la période esclavagiste, pour les femmes esclaves de se faire violer par leur maître, par exemple. Terreur pour les familles noires de se voir disloquées parce que c'était très fréquent. Les planteurs pouvaient, par exemple, séparer les couples en vendant le mari à une autre plantation ou séparer les familles en vendant les enfants. Terreur pendant la ségrégation, de se voir attaqué par le Ku Klux Klan, par exemple, d'avoir sa maison détruite, son église brûlée, et terreur aujourd'hui, effectivement, dans les confrontations avec les policiers. Donc c'est juste épuisant, et c'est ce ras-le-bol, mais qui date de siècles et de siècles, qui aussi s'exprime dans le mouvement actuel, mais qui, on pourrait se dire aussi, vu le passif et l'exaspération de la population, ce qui est assez spectaculaire, c'est que pour l'instant, et je m'en réjouis, le mouvement a été plutôt pacifique. Alors oui, il y a eu quelques pillages ou quoi, mais il n'y a eu, par exemple, aucun mort dans ces émeutes raciales depuis 15 jours aux États-Unis, ni d'un côté ni de l'autre. Et tant mieux. Françoise Coste, nous allons écouter une chanson de Billie Holiday en 1939, une chanson qui évoque un fruit étrange. Blood on the leaves and blood at the road. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar tree. Gallant South, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter cry. French Fruit par Billie Holiday en 1939 dans Le Cours de l'Histoire, une émission réalisée par Laure-Hélène Planchet avec aujourd'hui à la technique Audrey Guélil dans Le Cours de l'Histoire sur France Culture. Aujourd'hui, nous nous intéressons à ce qui se passe aux États-Unis, à cette ségrégation latente. La ségrégation n'existe plus, l'esclavage est aboli depuis longtemps et pourtant, il y a pour les populations noires le sentiment de ne pas faire partie complètement de la communauté. Françoise Coste, la conscience d'être noir aux États-Unis est quelque chose qui semble être un poids, mais qui n'est pas le même poids à différents moments. Avec l'élection de Barack Obama en 2008, il y a eu un espoir. Il y a des moments comme ça. La lutte pour les droits civiques dans les années 1960 est un moment d'espoir. Vous, en tant qu'historienne, toujours avec notre volonté de regarder ces questions sur le temps long, vous arrivez à voir à quel moment les populations qui se sentent mises à l'écart espèrent avoir une place dans la société et à quel moment, comme aujourd'hui, elles se sentent vraiment rejetées. C'est sûr que le mouvement des droits civiques, enfin, il y a un avant et un après. Voilà. La fin officielle de la ségrégation et l'obtention du droit de vote. Enfin, le droit de vote qui existe en théorie, comme je l'ai dit, mais qui est enfin protégé et appliqué à partir de 1965 dans le Sud, ça va quand même changer la donne parce que ça va amener une amélioration objective de la situation des Noirs. Là, je ne veux pas non plus être trop pessimiste. Comme dit Obama, l'arc de l'histoire est long, mais il tend vers la justice. Donc, la situation s'est quand même améliorée, par exemple, avec l'élection de beaucoup d'officiels noirs, au niveau local, mais aussi au niveau fédéral. Et si, aujourd'hui, les émeutes qu'on voit, le mouvement actuel qu'on voit, s'il va peut-être aboutir à quelque chose de positif, c'est parce que, d'abord, si on regarde les manifestations, il y a beaucoup de blancs dans ces manifestations. Ce qui veut dire que tout ce dont on parle, la population blanche commence à le comprendre. Bien sûr, il y avait des alliés blancs, il y a toujours eu des militants blancs, par exemple, au moment de la lutte contre l'esclavage ou au moment des droits civiques. Ça, c'est sûr. Mais là, on voit, j'ai l'impression, une plus grande proportion de blancs qui se sentent impliqués dans ce problème et qui veulent faire quelque chose. Donc, il y a aussi la population blanche qui a sans doute fait un petit travail sur elle-même, une partie de la population blanche, grâce en particulier au travail des historiens et des militants noirs. Hein. Ça, c'est sûr. Par exemple, quelque chose comme le concept privilège blanc, qui est maintenant à peu près compris ou connu d'une grande part de la population blanche. Et en plus, on voit qu'il y a des relais qui n'existaient pas avant. Ce mouvement, cette colère dans la rue, elle trouve des relais médiatiques et surtout politiques. Parce qu'il y a quand même, en particulier au sein du Parti démocrate, des élus en place, des réseaux qui font que ces manifestants, ils ne crient pas dans le vide. Ils sont entendus dans les grandes mairies, les grandes villes, ou, et ça c'est le plus important, au Congrès, où on voit que les démocrates, dont une large part des élus à la Chambre des représentants sont noirs, sont très actifs sur ces questions-là, très présents dans les médias, et font un travail qui a l'air assez intéressant auprès de Joe Biden, qui est le candidat présumé à la présidence pour le Parti démocrate, qui a pris cette question quand même à bras-le-corps et semble sincèrement désireux de la mettre sur le devant de la scène pendant la campagne présidentielle. Ça, c'est assez nouveau, parce que même quelqu'un comme Obama, lui, il n'a jamais mis des questions raciales sur le devant de la scène, pour justement minimiser son côté noir et rassurer la population blanche. Donc là, on a fait un pas. Donc la situation, quand même, sur le plan politique, je trouve que du côté des démocrates, elle est assez intéressante et potentiellement fructueuse. En revanche, la question raciale n'a jamais vraiment disparu du débat politique. Alors, des deux côtés, bien sûr, dans les années 1960, c'est la lutte pour les droits civiques d'un côté, mais malgré tout, reste affirmé dans le débat politique quelque chose qui nous terrifie, la ségrégation revendiquée comme un programme politique. C'est le cas de George Wallace, qui en parle lors de son discours inaugural, c'était en 1963, au poste de gouverneur de l'Alabama. Ségrégation maintenant, ségrégation demain, ségrégation toujours. In the name of the greatest people that have ever trod this earth, I draw the line in the dust and toss the gauntlet before the feet of tyranny, and I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Donc George Wallace, quelques mots en 1963. Françoise Coste, c'est très étonnant toujours d'entendre ces politiques dans les années 1960 revendiquer la ségrégation. Les années 1960, ce n'est pas vieux, les idées ne disparaissent pas comme ça. On les retrouve encore aujourd'hui dans les discours politiques, alors sans doute maquillés en partie, c'est pas revendiqué aussi clairement, mais c'est toujours présent. Oui, alors pendant longtemps, les historiens américains ont pensé que ce type d'idées subsistait, mais à la frange, à la marge de la société et du monde politique. Et que c'était très minoritaire, et en plus, qu'elles étaient en train de disparaître peu à peu. Et la période actuelle nous montre que non. Et ce qui a révélé ça, c'est sans doute, c'est le catalyseur, ou le cataclysme du côté où on se place, de l'élection de Barack Obama en 2008. Voilà. L'élection du premier président noir, avec le recul, hein, on a un peu de recul maintenant, à l'évidence, ça a provoqué, au sens physique du terme, une réaction, enfin, action-réaction. Il y a eu cette élection de cet homme noir qui a provoqué un sursaut d'une partie de la population qui n'a pas pu l'accepter. Et toute cette haine, toutes ces pulsions qui étaient sous-jacentes mais qui étaient en train d'être en voie d'élimination, et quand on les ressentait, qu'on savait qu'il était honteux de les exprimer, elles se sont libérées. Voilà, il y a une libération collective qui, en plus, a coïncidé. Bon, ça c'est un hasard technologique, mais avec bien entendu la création et le succès des réseaux sociaux. Donc c'est-à-dire que quand on était un raciste avec sa haine cuite et recuite dans son coin, on se rend compte en 2008 qu'on n'est pas seul. Qu'on n'est pas seul parce qu'on peut trouver des espaces d'expression où on n'est pas condamné pour dire ce qu'on pense et où on se rend compte qu'il y a plein de gens qui pensent finalement comme nous. Et ça, ça va provoquer d'abord dans un premier temps le mouvement du Tea Party, qu'on a je crois très mal interprété sur le moment. Parce que c'est vrai que la façade du Tea Party, en 2009, 2010, 2011, ça avait l'air d'être des militants, tous blancs, hein, mais qui étaient préoccupés par la question économique. La dette, le déficit, les impôts, bon. Et en fait, oui, il y avait peut-être de ça, mais c'était un mouvement de personnes allergiques à Barack Obama, qui n'ont pas été ouvertement racistes, mais qui ont ensuite, et la filiation est claire, donné naissance au trumpisme, en fait. Via l'étape entre le Tea Party et l'élection de Trump, ça a été ce mouvement qu'on appelait Birtherism, lancé par Trump grandement, mais issu du Tea Party aussi, où très vite on a dit Barack Obama n'est pas un président légitime parce qu'il n'est pas américain. Il n'est pas américain parce qu'il n'est pas né aux États-Unis, il est né au Kenya, le pays de son père. Ce qui n'est pas vrai. Mais Donald Trump, c'est comme ça qu'il est rentré dans le débat politique, il a vu cette rumeur dans la mouvance du Tea Party, il a récupéré Il en a fait son fonds de commerce pendant des années. Il était plusieurs fois par semaine sur Fox News en disant « Je suis à la recherche de l'acte de naissance de Barack Obama. J'ai des détectives qui sont allés au Kenya. On va prouver qu'il est né au Kenya, qu'il n'avait même pas le droit de se présenter à l'élection présidentielle aux États-Unis puisqu'il était un étranger et que donc c'est un président légitime. » Bon, il ne l'a jamais prouvé parce que c'est improuvable, puisque c'est faux. Mais c'est comme ça que Donald Trump s'est petit à petit fait une réputation politique qui lui a permis en 2015 de rentrer et de gagner les primaires républicaines. Donc, Donald Trump, il n'y a pas que ça hein, dans son élection, mais Donald Trump, en partie, symbolise cette réaction raciste après l'élection de Barack Obama et cette libération de la pensée raciste aux États-Unis aujourd'hui. Françoise Coste, dans notre lecture du monde politique aux États-Unis, c'est vrai que vu d'ici, c'est très simple, hein, il y a les républicains et les démocrates. En réalité, la chose est plus complexe, vous avez évoqué ces mouvements, il y a le Tea Party, il y a même un parti communiste par exemple. Mais bon, pour le racisme, comment se construit la prise de parole politique? Il y a des mouvements ou des partis ouvertement racistes aux États-Unis? Oui. Mais c'est des épiphénomènes, ça, sur le plan politique. Il y a le Ku Klux Klan, les néo-nazis, les gangs ariens dans les prisons, par exemple. Oui, tout ça, ça existe. Et vous le trouvez sur Internet. C'est ce qu'on a aussi appelé l'alt-right, la droite alternative au moment de l'élection de Trump. C'est sûr que ça existe, faut pas le nier. Mais je pense que, vu de France, on met une loupe trop grossissante sur ces mouvements-là, qui sont en réalité minuscules, pas bien financés, et que la majorité de la population considère comme folklorique, plutôt ridicule que dangereux en réalité. Même s'ils sont dangereux aussi, quand on l'a vu par exemple en 2017 avec les manifs néo-nazis à Charlottesville en Virginie, qui avaient abouti à la mort d'une contre-manifestante blanche par exemple. Donc je ne veux pas minimiser trop, mais politiquement, ça ne représente pas grand-chose. Justement parce que quand même dans la population blanche aujourd'hui, on se rend compte que c'est quand même nul d'aller rejoindre le Ku Klux Klan, quoi. Que c'est mal vu et que c'est un peu pathétique. Par contre, ce racisme explicite, sur le plan politique, il n'a pas beaucoup d'effet. Ce qui a beaucoup plus d'ampleur et qui marche beaucoup mieux, c'est difficile d'utiliser le terme racisme soft, mais c'est la récupération plus ou moins implicite de ce type de pensée par des groupes, eux, établis, des groupes mainstream, alors que ce soit des groupes médiatiques du type Fox News, ou bien entendu des groupes politiques comme le Parti Républicain. Et donc là, il y a, c'est vrai, des va-et-vient, une porosité entre cette alt-right super raciste et les élus du Parti Républicain, par des militants, par les réseaux sociaux aussi. Et donc cette pensée raciste, elle pénètre ainsi dans le Parti Républicain, elle monte la hiérarchie du parti, elle va jusqu'aux élus du Sénat, et en particulier, bien entendu, le président, qui ne vont pas être aussi donc explicitement racistes, qui ne vont pas prôner la suprématie blanche en des termes comme George Wallace, par exemple, mais qui vont utiliser des termes codés, mais que tout le monde comprend, pour exprimer cette pensée. Par exemple, si on regarde les tweets de Trump, au début des violences, quand il a parlé de « thugs in the streets ».« Thugs », c'est les voyous, c'est un terme très connoté. Tout le monde comprend que « thug », c'est un voyou ou un membre de gang noir, quoi. Un gros noir baraqué, ultra-violent. Ça va passer par un autre slogan que Trump utilise tout le temps, qui est « law and order », qui est né dans les années 60, justement, en réaction au mouvement des droits civiques. La loi et l'ordre, c'était le slogan de Nixon en 68 pour dire « Ok, on arrête avec ces émeutes raciales, qui étaient bien plus létales à l'époque, avec des dizaines de morts à chaque fois, à Détroit, à Watts, à Newark. » Bon, donc la loi et l'ordre, c'était le retour de bâton, la population blanche, la police blanche, on en revient à la problématique actuelle, qui allait mater ces manifestants noirs et qui allait remettre la paix dans les rues américaines. Donc tous ces slogans nés des années 60, ils ressortent dans les tweets et dans les discours de Trump aujourd'hui. Donc Trump n'a pas la cagoule du Ku Klux Klan, mais il sait utiliser des termes plus ou moins codés qui sont parfaitement compris par la base à laquelle il s'exprime et qui sont reçus comme tels. C'est comme un peu un clin d'œil et on comprend que le président est pour les Blancs et contre les Noirs. Françoise Coste, je vous propose justement d'aller voir cette base à qui s'adresse alors le président Trump, les élus, ceux qui véhiculent cette pensée, évidemment en la dissimulant. Nous allons retrouver ces habitants de la Bible Belt, donc cette partie des États-Unis, plutôt au sud bien sûr, qui évoque la résistance aux idées libérales. Nous sommes dans l'émission Satellite, le 8 janvier 1976. La population de Kanawha County proteste depuis un certain temps contre l'introduction d'une série de livres dans le système scolaire. D'après ce que je crois savoir, ces livres présentent toutes les formes culturelles et raciales de la société américaine. Les gens qui vivent dans ce district ont rejeté ces livres avec beaucoup de violence. Et beaucoup de gens qui vivent dans rural Kanawha County ont protesté ces livres très violently at times. The books are anti. Ces livres sont anti-américains, anti-dieu, anti-religion. Ils enseignent la révolte contre l'autorité, la police, le gouvernement, les parents. Ici, une bande de libéraux essaie de changer le monde. Mais je pense que la Virginie, le Kentucky et le Tennessee sont heureusement les bastions bibliques les plus puissants d'Amérique et que leur population a une haute moralité. Les habitants d'un village de la Bible Belt, donc aux États-Unis, qui évoquent qu'il faut résister aux idées libérales qui viennent du Nord. Il y a cette ségrégation géographique des États-Unis. Il y a une vraie division, en tout cas, entre le Nord et le Sud, née de la guerre de sécession, née de l'esclavage. Françoise Coste, vous la voyez toujours, cette division, cet héritage géographique de la guerre de sécession ? Complètement. Complètement. Donc il y a vraiment les deux Amériques, hein, celle des anciens États esclavagistes, celle du Nord. Elle se voit aujourd'hui, par exemple, dans plein de marqueurs. Les marqueurs de la santé, par exemple, où les États du Sud sont de façon très régulière en bas du classement. Si vous regardez, tout à l'heure je parlais de la mortalité infantile, par exemple, ou le nombre de femmes qui meurent en couche, le diabète, les maladies cardiovasculaires, l'obésité, donc sur plein de marqueurs, par exemple, le Sud est derrière le Nord, sur l'accès aux études supérieures, bien entendu, sur le PNB par habitant, même si la situation s'est améliorée, parce que justement, après les droits civiques, il y a eu une meilleure image du Sud, beaucoup plus d'investissement, de dynamisme économique, et ça a donné des grands groupes industriels dans le Sud, ou par exemple des investissements de l'État fédéral. On peut penser en Floride ou au Texas, par exemple, à l'industrie aérospatiale, avec Cap Kennedy, Cap Canaveral, la NASA à Houston. Bon, voilà. Donc il y a eu de l'injection d'argent fédéral dans ce Sud post-ségrégationniste pour booster la région. Ça a très bien marché. Mais la division, hélas, existe toujours, et on la voit encore aujourd'hui dans les cartes électorales. Ces fameux États bleus et rouges, au moment des élections présidentielles, les États bleus qui votent pour les démocrates, les États rouges qui votent pour les républicains. Dans le Sud, il n'y a quasiment eu aucun État bleu, donc un État démocrate, depuis, grosso modo, les années 90, l'élection de Bill Clinton, qui était lui-même sudiste. Mais Hillary Clinton, en 2016, n'a gagné aucun État du Sud. Le Sud reste complètement rouge. Donc, on peut parler de polarisation géographique, si vous voulez. Elle existe toujours et elle suit. C'est pour ça que c'est assez désespérant, on n'en sort pas. La carte électorale de l'élection présidentielle de 2016 suit la frontière entre le Sud esclavagiste et le Nord libre au moment de la guerre de sécession. Ça fait 150 ans et c'est toujours là. Françoise Coste, l'analyse de l'historienne est essentielle, on l'entend bien là sur la carte électorale, pour comprendre l'actualité et par exemple, pour comprendre, vous nous l'avez rappelé, que Donald Trump utilise ce slogan, la loi et l'ordre, law and order, qui est repris d'un slogan de Nixon de 1968 avec un pari électoral. En fait, ce sont des calculs tout simples. Si l'on arrive en donnant cette image, sans le dire clairement, mais bon, voilà, les blancs en avant, eh bien, cela permet de rafler les voix du Sud et les voix du Sud peuvent suffire à devenir président. On connaît le système électoral des États-Unis, hein, par État avec des grands électeurs. Oui, la stratégie de Trump aujourd'hui, c'est pas du tout de faire une stratégie d'être réélu avec un raz-de-marée électoral. Son but, c'est d'être élu ric-rac. Mais ça lui suffira. Voilà. Le Parti républicain a totalement conscience que, démographiquement, et ça, c'est une question qui revient sans cesse hein, dans le débat américain, démographiquement, l'Amérique blanche, elle est en déclin, qu'elle le veuille ou non. Alors, ça, on le voit mal aussi de France, mais si on regarde la distribution de la population américaine, depuis le temps de l'esclavage, hein, il y a toujours eu, grosso modo, 10-12% de la population noire. Voilà. C'est constant depuis plusieurs siècles. Hein. 10-12% de la population est noire. Pendant très longtemps, les 88 autres pourcents étaient blancs. Mais ce n'est plus le cas, parce que, je simplifie, hein, mais aujourd'hui, il y a un troisième groupe qui est dans cette équation et qui n'a aucun rapport avec cette histoire dont on parle depuis de longues minutes. C'est les hispaniques. C'est les immigrants latino-américains Bon, il y a toujours eu une population hispanique, en particulier dans l'Ouest des États-Unis, qui a longtemps appartenu au Mexique. Mais bon, aujourd'hui, on atteint des proportions. C'est au début, au tournant du 21e siècle, que les hispaniques ont passé les Noirs en pourcentage, qui sont arrivés à 12-13% qu'ils ont passé les Noirs, qui arrivent maintenant, je crois, à 15% de la population. Tout ça pour dire que les Noirs ne sont plus la plus grande minorité du pays. Ça, c'est un basculement historique, pour le coup. Parce que les Noirs avaient l'habitude d'être la plus grande minorité. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est les Hispaniques. Et en plus, la proportion d'Hispaniques grandit parce que l'immigration continue en provenance d'Amérique latine. Et surtout, en moyenne, les familles hispaniques ont plus d'enfants que les familles noires et les familles blanches. Donc, les démographes s'intéressent, par exemple, si vous prenez la population américaine dans son ensemble de moins de 18 ans, donc si vous prenez les enfants américains de 0 à 18 ans, à l'échelle du pays, dans cette tranche d'âge, les blancs sont moins de 50%. Et ça, bien entendu, on peut projeter le destin démographique du pays jusqu'à la fin du XXIe siècle. Et les démographes pensent que la bascule va se faire en 2050, où là, ce sera plus juste parmi les jeunes que les blancs seront la minorité, ce sera dans la population dans son ensemble. Alors, les blancs seront toujours le plus grand groupe, à 48-49% de la population, mais ils n'auront pas la majorité à eux seuls. Et ce qu'on voit en ce moment, le trumpisme, c'est en fait... Alors, c'est pas en ces termes de pourcentage précis que la population réfléchit, mais c'est qu'au fond d'elle-même, la population blanche, elle le ressent, ça. Elle voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes non blanches autour d'elle. Des personnes qui parlent espagnol, par exemple. Et pas que à New York ou à Los Angeles, mais dans des endroits ruraux ou dans les fermes ou les abattoirs, on fait venir beaucoup d'immigrés mexicains. Donc, cette suprématie blanche, qui était donc culturelle ou psychologique jusqu'à présent, elle a toujours été quantitative aussi. Il y avait plus de blancs que de tous les autres groupes. Ça, c'est bientôt fini. Et les blancs le sentent confusément. Et il y a, si vous voulez, je pense que là, c'est un combat d'arrière-garde. Les blancs sont encore la majorité pendant un petit moment. Et s'ils se mobilisent et s'ils votent pour un candidat comme Trump, ils peuvent encore faire élire un des leurs à la Maison Blanche. Donc c'est ça, quand je disais que Trump peut être élu ric-rac, il y a encore assez de blancs, si vous voulez, dans le corps électoral, pour faire élire quelqu'un comme lui. Mais ça ne durera pas longtemps, d'ici 10 ou 20 ans, cette stratégie électorale ne fonctionnera plus pour les républicains. Ce qui est drôlement intéressant, parce que nous voyons que là, nous sommes et dans de la politique et puis dans des constructions mentales. Françoise Coste, je voudrais vous faire écouter un court extrait de Mississippi Burning, le film d'Alan Parker. Un film intéressant parce que il traite d'un événement en 1964, pendant la lutte pour les droits civiques. Le film est réalisé en 1988 et nous allons l'entendre, il fait écho en fait à notre actualité. C'est trop laid. Toutes ces histoires sont trop laides. Si vous saviez ce que ça fait de devoir vivre avec tout ça. Les gens nous regardent et ce qu'ils voient, ce sont des bigots, des racistes. Les gens ne naissent pas mauvais. Ils le deviennent. À l'école, on nous disait que la ségrégation, c'était dans la Bible. Genèse 9, verset 27. Une gamine de 7 ans, à qui on dit ça sans arrêt, elle finit par le croire. On accepte cette haine. On la respire. On vit avec. On se marie avec. Un extrait de Mississippi Burning d'Alan Parker. On respire cette haine, on vit avec. Le film évoque un événement de 1964. Mais en fait, c'est ça aujourd'hui qui explique le mouvement général, alors qu'il ne concerne pas que les Noirs. Il y a des Blancs, évidemment. C'est un mouvement, en fait, pour la liberté, pour faire cesser cette peur. Au-delà de la lutte pour obtenir un droit de vote, ce qui était le cas au fin 19e siècle, et puis surtout au 20e siècle, dans les années 1960, là, c'est complètement autre chose. C'est pas un combat pour obtenir des droits, c'est un combat pour vivre sans peur, tout simplement. Oui, c'est très intéressant cette focalisation sur la police. C'est-à-dire qu'on demande une réforme des pratiques policières pour changer la vie quotidienne. Voilà, c'est très quotidien. C'est-à-dire pouvoir aller au travail sans avoir peur ou se faire arrêter au bord de la route parce qu'on a grillé un feu rouge par un policier, si on a un conducteur noir, et qu'on se fait arrêter par un policier blanc, sans trembler de peur. C'est aussi une préoccupation qui revient beaucoup dans les familles noires, chez les parents noirs, qui explique très bien, et ça, ça a toujours existé, mais là, enfin, les médias en parlent, et je crois que ça interpelle beaucoup la population blanche, quand on entend des parents noirs dire que dès que leur enfant a 4-5 ans, surtout si c'est un garçon, ils doivent prendre leur fils les yeux dans les yeux et lui dire, si tu te fais arrêter par la police, même si c'est injuste parce que c'est pas toi, que c'est quelqu'un d'autre et que les policiers se sont trompés, ou, enfin, même si c'est complètement injuste, ne réagis pas en disant « non, c'est pas moi », ne réagis pas en essayant de partir, en courant, laisse-toi faire. Ne dis rien, si le policier t'insulte, ne réponds pas. Si le policier te met des menottes, ne te débat pas. Parce que si tu fais tout ça, tu peux être tué. Parce qu'il y a des, sous Obama, il y a par exemple l'affaire Trayvon Martin en Floride, où c'est un gamin noir qui avait 12 ans qui s'est fait tuer par un vigile, parce qu'il croyait qu'il avait volé quelque chose, à tort. Bon, donc, c'est très difficile dans ces familles noires d'avoir cette conversation, parce que c'est quelque part dire, il faut accepter l'injustice, et il faut accepter la peur, parce que c'est de ta vie dont il est question. Et je pense qu'il y a des parents blancs qui entendent ça, et qui se disent, mais mince quoi, moi, j'ai pas à dire ça à mon enfant, j'ai pas à dire ça à mon adolescent. Et c'est comme ça que l'éducation de la population blanche se fait sur ce que c'est le racisme structurel ou systémique aux États-Unis et sur l'existence effective aux États-Unis d'un privilège blanc. Donc là, on ne parle pas de statistiques économiques, hein, on ne parle pas de vote, comme vous l'avez dit. C'est dans la vie de tous les jours, dans la vie des familles et dans la vie des enfants. Et ça, c'est un argument très, très fort. Et je pense que le fort soutien de la population blanche au mouvement actuel, il vient de là. Merci beaucoup Françoise Cosse d'avoir donné de la profondeur historique à l'actualité, au mouvement d'ampleur que connaissent les États-Unis et qu'on peut voir se développer un peu partout dans le monde. Merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. C'était Le Cours de l'Histoire sur France Culture, une émission préparée par Anne Toscan-Diodès, Marion Dupont-Camille, André Camille Rijad et Amélie Perrault. Des émissions à retrouver sur le site internet franceculture.fr ou bien en podcast, c'est la balado-diffusion. Et puis, vous pouvez faire un tour sur le groupe Facebook Le Cours de l'Histoire. Demain, nous continuons à réfléchir à l'actualité, aux États-Unis, mais pas seulement. Corps et sport dans les luttes des Noirs américains avec Nicolas Martin-Brotteau. Oui, le corps est également politique. À demain.